Lettre 161e, Roxane à Usbek, à Paris. Lettre de défi de Roxane à Usbek. Oui, je t'ai trompé. J'ai séduit tes eunuques. Je me suis joué de ta jalousie et j'ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisir. Je vais mourir. Le poison va couler dans mes veines. Car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus? Je meurs, mais mon ombre s'envole bien accompagnée. Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices? Que pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs? Non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Tu devrais me rendre grâce encore du sacrifice que je t'ai fait, de ce que je me suis abaissé jusqu'à te paraître fidèle, de ce que j'ai lâchement gardé dans mon cœur ce que j'aurais dû faire paraître à toute la terre, enfin de ce que j'ai profané la vertu en souffrant qu'on appelât de ce nom ma soumission à tes fantaisies. Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l'amour. Si tu m'avais bien connu, tu aurais trouvé toute la violence de la haine. Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heureux. Tu me croyais trompé, et je te trompais. Ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Serait-il possible qu'après t'avoir accablé de douleur, je te forçasse encore d'admirer mon courage? Mais c'en est fait. Le poison me consume. Ma force m'abandonne. La plume me tombe des mains. Je ne sens affaiblir jusqu'à ma haine. Je me meurs. Du sérail d'Ispahan, le 8 de la lune de Rébiab, 1720.